Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons-le, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ensemble, louons.